Vous écoutez donc Futur Simple sur CKRL au 89.1 et je suis en compagnie de Camille Bélanger-Vincent qui est journaliste au Soleil et nouvellement chroniqueuse à Futur Simple. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, tu nous parles aujourd'hui d'un phénomène neurologique, un phénomène pour le moins curieux et comme il te touche toi-même, bah, t'es bien placée pour en parler. Oui, exactement. En fait, je vous parle d'un phénomène dont j'ai moi-même appris l'existence il y a quelques années et qui m'a, comme tu le dis, m'a particulièrement interpellé parce qu'il m'a permis d'expliquer, de comprendre une réaction que j'ai moi-même depuis toujours et que je n'avais jamais vraiment compris, mais sur laquelle je m'étais jamais vraiment questionnée, en fait. De quoi, bon, est-il question? C'est, bon, je vais parler de mon expérience personnelle pour débuter. Pour donner un exemple, oui, aussi, c'est ça. Ouais. Mais il y a plusieurs types, là, donc on va parler plus tard de synesthésie pour vous expliquer le phénomène qui, en fait, de manière générale, ça signifie une association de plusieurs sens. D'abord, il y a, donc, différents types de synesthètes, donc de personnes qui sont touchées par le phénomène, c'est comme ça qu'on les appelle. Pour ma part, je vois les chiffres et les lettres en couleur. Donc, j'associe chaque lettre et chaque chiffre à une couleur. C'est inusité. Oui, en effet, mais je ne suis pas folle. On appelle ça la synesthésie graphème couleur. Graphème, donc, qui signifie à la fois chiffre et lettre. Ouais. Donc, et c'est d'ailleurs la forme de graphème couleur, c'est la forme la plus courante du phénomène qui atteindrait là, dans son ensemble de 1 de la population. Quoique, pourcentage est très déterminé hors de tout doute, étant donné que les chiffres se basent sur perception de quand il n'y a pas de diagnostic. Donc, moi, je dis que je suis synesthète, mais c'est parce que j'ai entendu parler du phénomène. Donc, il y a 10 ans, tu ne le disais pas parce que tu ne le savais pas. Exactement. Ouais. Et il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils le sont et que finalement, ils ont associé une odeur à quelque chose, mais que c'est quelque chose qui vient de l'enfance ou bon, différent. Ça peut être, subjectif. Puisque le phénomène reste très peu connu, il y a des synesthètes, c'est ça, qui savent pas qu'ils le sont, comme on le disait, comme moi, il y a quelques années, qui ont l'impression d'être un peu étranges, de pas comprendre qu'est-ce qui fait cette association-là. Et d'autres ne réalisent même pas que la grande majorité des gens ne perçoivent pas ce qu'eux perçoivent. Moi, c'était mon cas. J'avais l'impression que tout le monde avait certaines couleurs associées à certaines lettres. Allons-y avec donc ton cas à toi. Donc, tu vois les chiffres et les lettres en couleur, mais ça veut dire quoi exactement? c'est une assez bonne question. Moi, ce que j'ai compris d'abord au fil de mes lectures, là, c'est que l'intensité de la perception diffère d'un synesthète à l'autre. Moi, j'associe justement chacun des chiffres et des lettres à une couleur. Certaines couleurs sont d'ailleurs beaucoup plus marqué que d'autres pour certaines lettres. Par exemple, la lettre C est jaune, Q est bleu, N est orange, le chiffre 9 est vert, 6 est rouge et le 6 est très, très, très marqué rouge. Oui. Y en a d'autres là, que je pourrais pas dire. Y a certaines lettres là, qui ont pas de couleur particulière. Ça veut dire que, est-ce que c'est la lettre séparée, donc un C tout seul que tu vois rouge, ou est-ce que c'est dans un mot clicot, le C, tu vas le voir en rouge? Tout seul, la lettre si je la vois écrite, le C ne prendra pas la couleur rouge visuellement, mais je l'imagine, je l'associe à la couleur rouge. Tu l'associes rouge, à la couleur rouge. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est juste pour moi. D'ailleurs, le C, il n'est pas rouge, il est jaune. Il est jaune. Mais c'est pas grave. Ouais. Sauf que ça, c'est juste pour moi. Oui, il va y avoir d'autres synesthètes qui vont faire d'autres associations. Le C ne sera pas jaune pour tous les synesthètes. Ouais. D'accord. Chaque synesthète fait ses propres associations. Pour moi, ça s'arrête là. Comme je disais, il n'y a pas de... Je ne vois pas chaque lettre. Quand je les vois à l'écrit, je ne les vois pas en couleur, mais c'est le cas de certains synesthètes. Il y en a qui vont... que là, un texte va devenir littéralement une espèce d'arc-en-ciel de couleurs parce que chacune des lettres prend vraiment la couleur, ben en tout cas dans leur tête, là, la couleur qui lui est associée. En faisant mes recherches, j'ai d'ailleurs entendu parler d'une auteure synesthète qui, enfant, avait expliqué à son père qu'elle pouvait transformer une lettre jaune en une lettre orange simplement en ajoutant une petite ligne, mais elle passait dans le fond du P au R en ajoutant la ligne sous la boucle. Ouais. Et elle le voyait d'une différente couleur. Ah ouais, ça changeait la couleur. Ça changeait la couleur. Donc, je sais pas si ça peut un peu imager, là. En tout cas, c'est peut-être difficile à comprendre quand c'est pas notre cas, mais bon. Là, je vous parle simplement de la synesthésie graphème couleur, qui est une des 152 formes, là, c'est ce qu'il y aurait là, au total, là, le nombre de synesthésies différentes. Parmi les autres, il y a des synesthésies numériques, spatio-temporelles, qui, elles, font que les nombres et les jours, respectivement, sont associés à des positions dans l'espace. Mm-hmm. Et il y a aussi des synesthésies où l'odorat et même le goût entrent en jeu. Ouais. Donc, c'est très varié. Et ça, dans le fond, c'est juste une association de deux sens. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ces différentes formes de cette synesthésie? Mm-hmm. C'est un peu dur à se représenter. Oui. Ben, en fait, moi, un de mes types préférés dont j'aimerais presque être atteint, là, si je pouvais choisir mon type de synesthésie, ça serait celle musique couleur, qui fait qu'on associe des sons à des couleurs. C'est le cas d'ailleurs de plusieurs musiciens bien connus, dont Tom York, chanteur de Radiohead, Pharrell Williams et Lady Gaga, qui ont la capacité de voir en quelque sorte leur musique. Donc chaque note a une couleur. Mm-hmm. Au Québec, c'est également le cas de la violoniste Angèle Dubois. Ah oui. Ouais, qui voit des couleurs dans sa tête quand elle joue de la musique. Il y a quelques années, là, je pourrais pas vous dire exactement à quel moment, mais elle a lancé un album qui s'appelle Blanc et qui a été nommé ainsi parce que c'est la couleur qu'elle percevait en écoutant la musique de cet album-là. Il y a également des peintres dont les œuvres sont en fait des représentations de ce qu'ils voient dans leur tête en écoutant de la musique. Ah, donc, ouais. Eux font le processus inverse, disons. Ouais. Puis, si on reste dans l'aspect artistique, là, pas seulement dans la synesthésie musique-couleur, là, mais synesthésie en général, il y a également Charles Baudelaire et Arthur Rimbaud qui ont fait usage de métaphores synesthétiques dans certaines de leurs œuvres, dont Les fleurs du mal et un poème voyelle dans lequel Rimbaud attribue une couleur à chacune des voyelles. Mm-hmm. Bon, par contre, est-ce que les deux auteurs étaient vraiment synesthètes ou est-ce qu'ils ont seulement utilisé le phénomène à des fins artistiques? Ça, on le sait pas vraiment. Il y a également, bon, dans Guerre et Paix, très connu, il est question d'une autre forme de synesthésie appelée la personnification, pardon, dans laquelle les nombres, les chiffres, les jours ou les couleurs peuvent être associés à des personnalités. Mm-hmm. Puis inversement, on peut également associer une couleur donnée à une personne. Ah, ouais? Puis c'est ce qui est fait dans le livre, là, un personnage qui attribue une couleur à quelques autres personnages du livre. Mm-hmm. Donc on voit que c'est quand même assez varié les façons dont se manifeste ce phénomène. Oui. Mais qu'est-ce qui fait, il doit y avoir une origine commune, quelque chose, qu'est-ce qui fait qu'on est atteint de synesthésie? C'est pas très clair actuellement, notamment parce qu'il y a peu de recherches qui sont faites sur la question à cause des difficultés, comme on a parlé plus tôt, de documenter la synesthésie. On pense qu'il y aurait certaines connexions neuronales qui relient les aires sensorielles entre elles durant l'enfance et que ces connexions-là, normalement, disparaissent avec le temps, mais que chez les synesthètes, pourraient demeurer. Ah, donc, on aurait ainsi des ondes sensorielles reliées qui ne devraient pas l'être, et là, qui créeraient ces espèces d'associations sensorielles. La synesthésie pourrait également être due à une inhibition réduite de certaines voies neuronales, donc de telle sorte que des notes de musique pourraient activer des aires corticales auditives, ce qui est normal, mais également visuelles, par exemple. Par contre, presque toutes les études sur le sujet laissent croire que le phénomène a une origine génétique. Certaines familles, pour expliquer, là, dans le fond, c'est qu'il y a certaines familles qui ont d'ailleurs une prévalence beaucoup plus importante au sein de leurs membres. Dans la famille, plusieurs personnes. Exactement, qui sont, alors que dans la population en général, on parlait d'à peu près 1%, 1 à 3%. Donc, c'est ce qui nous laisse croire qu'il y aurait des origines génétiques. Et est-ce qu'il y a des problèmes à être synesthète? Est-ce qu'il y a un danger particulier? Non, d'ailleurs, non, pas du tout. Les spécialistes précisent souvent qu'il ne s'agit pas d'une maladie. D'ailleurs, j'appelle ça un phénomène pour ne pas... Il n'y a pas de danger associé à ça. C'est un phénomène neurologique. Par contre, il y aurait quelques traits cognitifs associés à la synesthésie. de manière, bon, on va faire une moyenne, parce que dans ce cas-là, moi, je me suis pas du tout retrouvée dans ces traits cognitifs-là, mais notamment une confusion entre la droite et la gauche, certaines difficultés en mathématiques, des difficultés de rédaction en tant que journaliste, j'espère que c'est pas trop mon cas. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il y a les gens qui sont atteints de ce phénomène, de cette condition, serait souvent beaucoup plus créatif, aurait une meilleure mémoire également, parce que bon, on peut se l'expliquer, je sais pas si ça peut tout expliquer, mais le fait de voir certaines choses en couleur, il peut avoir une association plus rapide, un peu des trucs mnémotechniques là, comme on peut se faire, mais disons que ça peut faciliter le processus comme ça. Mais ça, c'est selon certaines études seulement, on sait pas si ça s'applique à toutes les formes de synesthésie. Finalement, moi, ce que je retiens, c'est que le cerveau est encore une vaste boîte noire qui demeure un mystère pour nous. Mais au moins, moi, avec ça, j'ai compris pourquoi mes M sont rouges puis mes 5 sont oranges. Ouais. Et inversement, quand tu vois, donc tu dis donc tes M sont rouges, tes 5 sont oranges, si tu vois la couleur orange, est-ce que par association, il y a un 5 qui t'arrive en tête? Non. Non, c'est pas réversible. Pas nécessairement, sauf que mes N sont oranges aussi, donc mes 5 et mes N sont associés. Ah oui, ouais. Quand même, c'est vraiment curieux. En tout cas, c'est un phénomène assez surprenant, puis plus fréquent qu'on ne le croit, puisque 1 à 3%, c'est quand même pas négligeable. Alors peut-être que quelques auditeurs se seront reconnus. Peut-être que je leur aurais expliqué un point de leur personnalité. Exactement. Ben, merci beaucoup, Camille. On passe en pause musicale sur CKRL au 89.1, et au retour, je vous parle des grands immeubles en bois.